Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بإذن الله جل وعلا دراسة هذه الرسالة المفيدة الأصول من علم الأصول. Donc on continue ensemble, wallillahi alhamd, l'étude de cette risala dans l'usul, usul al-fiqh, les fondements du fiqh de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et dans le premier dars, le dars précédent, on avait cité ensemble une introduction muhimma fi ahamiyati ulum al-ala, et l'importance de هذه العلوم علوم الآلة et ces outils pour comprendre هذا الدين, pour comprendre علم العقيدة, علم الفقه, علم التفسير, علم القرآن, علم الحديث. العلماء قديما وحديثا, ils ont écrit des livres, et ces livres sont devenus des matières pour comprendre الأصل, أي la base, التوحيد والعقيدة والفقه وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. On avait cité كلام الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. واليوم نبدأ في قراءة الكتاب. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد, هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه, كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية, وسميناها الأصول من علم الأصول. نستفيد من هذا أن cette رسالة c'est pour les débutants, et c'est une رسالة مفيدة مختصرة. Donc il y a des livres beaucoup plus vastes que cette رسالة, bien sûr. Il y a des livres pour ceux qui ont compris les bases في أصول الفقه. لكن كما تقدم معنا أن celui qui veut comprendre une matière qu'il étudie, que ce soit al-usul ou autre, فلا بد من التدرج. On est obligé de commencer par le début. وأت البيوت من أبوابها, هكذا قال عز وجل. أما celui qui saute les étapes, qui veut comprendre la fin avant d'avoir compris le début, فهذا لا شك il ne comprendra pas. Et il aura de la faiblesse, du dha'f, fi ilmihi wa fi fahmihi. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a écrit cette risala pour les débutants. Al-usul min ilmi al-usul. Qala as'alullah an yaj'al amalana khalisan lillah nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib. Ahakadha al-katib yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-qaboul wa al-thabat. وهكذا ceux qui lisent, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq. وهكذا ceux qui étudient cette risala ou autre, ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas. قال أن يجعلنا أن يجعل عملنا خالصا لله. نعم, لأن هذا الشرط الأساسي لقبول العمل. أما étudier c'est une chose, écrire des livres, c'est une chose. Apprendre, c'est une chose. Lakin, le but de cet apprentissage, de cette lecture, c'est أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا وإلا يا أوكن فائدة. Al-Quran, حجة لك أو عليك. Al-Quran, ça peut être pour toi ou ça peut être contre toi. C'est contre celui qui apprend le Quran لغير وجه الله. C'est contre celui qui apprend le Quran pour se montrer. C'est contre celui qui apprend pour ne pas mettre en pratique. Ça nous montre أن العلم منه نافع ومنه غير نافع. النافع العلم الخالص لوجه الله. فلهذا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى conclu son introduction par هذا الدعاء العظيم أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده. حقيقة في هذين وفي هاتين الكلمتين الحقيقة tu peux retirer أو tirer pourquoi نطلب العلم. أولا c'est une عبادة, donc نطلب لوجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا نطلب العلم لنستفيد ونفيد. لنستفيد أي نحن نحن نبخين سنوز اتل بإذن الله عز وجل وكذلك بفق بخفيت للزطر. فلهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلمة بهذا المعنى أن طلب العلم لرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك أو كما قال رحمة الله عليه. En tant que talib ilm, tu ne dois pas oublier ces points importants. Que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, nous rappelle huna via hada du'a. Awlan al-ikhlas, la sincérité. Al-hadr, an al-insan, il veut rentrer via hada al-bab al-azim, bab al-ilm, et il a un problème via l'ikhlas. Et là, chacun al-ikhlas, ça se corrige, ça se renforce, ça se fortifie. Lakin, al-asl, la base, c'est que natlub hada al-ilm lillahi azza wa jal. Et kadhalik, le but, c'est estavid ant. Et le fruit de هذه الفائدة, ça va être l'amal. Mais celui qui étudie et qui n'applique pas, فلماذا il étudie? هذا العلم, c'est un علم عظيم, العلم الشرعي, que ce soit الفقه, que ce soit العقيدة, c'est que pour mettre en application. كذلك, تفيد غيرك. Tu as fait des efforts pour faciliter aux autres, pour enseigner aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayk, et t'a facilité dans une matière, dans plusieurs matières, tu as compris certaines choses, fais profiter les autres. Sans dépasser les limites. Sans rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. فالإنسان يعرف قدر نفسه ou عليه plutôt أن يعرف قدر نفسه, et il fait profiter les autres par rapport à ce qu'il a. قال إنه قريب مجيب. هذه الرسالة كما تعلمون أو كما يعلم البعض انتشرت ولله الحمد, كثير من طلبة العلم استفادوا منها et c'est devenu une référence في هذا الباب. La plupart des étudiants ils commencent par cette risala ou par le waraqat pour comprendre ou pour étudier les fondements du fiqh. ولعل السبب لانتشار هذه الرسالة c'était إخلاص المؤلف والله تعالى أعلم. وكتب شيخ ابن عثيمين انتشرت لأنه il était صادق رحمة الله عليه dans sa démarche. Il avait une bonne intention. هكذا نحسبه والله سبحانه وتعالى حسب الجميع. فلهذا علوم هذا الإمام رحمة الله عليه انتشرت. Cette risale est autre. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجمعنا وإياه الفردوس الأعلى. قال رحمه الله أصول الفقه. Premier chapitre qu'il a cité, rahmatullah alayhi, et c'est un chapitre muhim, c'est pour expliquer la matière. C'est quoi usul al-fiqh? Kathirun min al-nas, ils ne font pas la distinction, la différence entre usul al-fiqh et al-fiqh, ou entre usul al-fiqh et al-qawa'id al-fiqhiyya. Famin al-muhim, avant d'étudier un ilm, c'est que tu connaisses c'est quoi ce ilm que tu vas étudier. فلهذا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans le premier chapitre il a résumé, il a simplifié, il a cité des définitions pour t'aider à comprendre c'est quoi usul al-fiqh. Si tu as compris c'est quoi cette matière, فإنشاءالله تعالى tu pourras commencer l'étude des premiers chapitres حتى تفهم. قال usul al-fiqh تعريف usul al-fiqh يعرف اعتبارين. Vous avez remarqué que usul al-fiqh c'est fait de deux kalima. Usul il est mudaf, al-fiqh il est mudaf ilayh. Donc tu as deux mots. Al-usul et al-fiqh. Cheikh Mu'azimin rahimahullah awalan il va définir c'est quoi al-usul. Et c'est quoi un asl, c'est quoi les fondements. Thumma il va définir c'est quoi al-fiqh. Hadha qawluhu rahimahullah yu'arraf bi'tibarin. Et awalan il va citer une définition de l'usul seul. Thumma il va citer une définition du fiqh, c'est quoi seul. Thumma il va citer une définition de usul al-fiqh quand ces deux mots ils sont rassemblés, et la matière. قال رحمه الله أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول باعتبار مفرديه مفرديه أي شاك مو أبا صعبين يعني دو مفرد أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع أصل الأصول سي لو بلوريال et le singulier c'est أصل et traduit par les bases les fondements وهو ما يبنى عليه غيره c'est ça أصل كذلك بعضهم يعبرون بالقواعد ترى même chose القواعد أو الأصول أو ça se ressemble لكن pour les matières ils ont donné deux mots différents أصول أو deux appellations différentes أصول الفقه وقواعد الفقه وإلا ça se ressemble أصل قاعدة قال وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قوله ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه Le mur, il a des bases. كذلك الشجرة c'est le deuxième exemple. كذلك un arbre, il a des bases, des fondements, et les racines. فالأصول أو الأصل c'est ما يبنى عليه غيره. Pour construire un mur, tu es obligé de commencer par l'assas, par les fondements, ou une maison. Un arbre, si les racines de cet arbre, ces racines, elles sont solides, فالarbre بإذن الله عز وجل يبقى. Si tu lui coupes les racines, فالarbre يموت. فصار ستمنح أهمية الأصل. قال والفقه لغة الفهم. On parle, on répète الآن الفقه seul. انتبه هنا شيخ ابن عثيمين. Il va pas définir c'est quoi أصول الفقه الآن. Là, il va définir c'est quoi le fiqh. Après avoir défini الأصول جمع أصل, il a défini هنا الفقه. ثم رحمه الله va définir أصول الفقه قال الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهمون قولي فالفقه يأتي بمعنى الفهم la compréhension اللهم فقهه في الدين أي فهمه هذا الدين فالفقه يأتي باللغة بمعنى الفهم أي la compréhension ça c'est La définition linguistique. Qala wa istilahan. Et quand on parle de fiqh dans notre din, dans al-ulum, on dit, mathalan, est-ce que tu as étudié al-fiqh ? Ou est-ce que tu peux me conseiller un livre de fiqh ? Ou par quoi je dois commencer si je veux étudier al-fiqh ? Qala ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha al-tafsiliyya. Comprendre ce ta'rif, c'est muhim. Pour distinguer entre al-fiqh وأصول الفقه وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما تقدم معنا في هذه الرسالة اعتنى جدا بالتعريف pour comprendre ce livre il faut ركز على هذه التعريف surtout quand on étudiera le livre lui-même أي ما يتعلق بالأصول فالتعريف c'est مهم جدا قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه وهذا في الحقيقة من قوة فهم هذا الإمام هذه المسألة دقيقة ما قال العلم أو علم الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى أمبلوي لهمو معرفة معرفة c'est connaître, c'est une connaissance. العلم c'est la science. العلم c'est fondé sur la certitude, اليقين. المعرفة ça peut être la certitude, ça peut être الظن. أي غلبة الظن. Tu n'es pas sûr à 100%. لكن la majorité أو غالب الظن مثلا à 95% tu penses que c'est ça. Pourquoi قال هنا معرفة إلى بسيط العلم قال لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا الفقه tu as certaines مسائل بيقين il y a aucun doute مثلا أن المسلم il doit se diriger en direction de la Qibla pour faire la salat tu as des adillas كثيرة هذا c'est محل إجماع donc c'est بيقين tu as des مسائل فالحقيقة العلماء اختلفوا لأن يبان نص واضح يبان نص صريح يبان تكست كلير كي مونتخ سيت شوز فالعلماء اختلفوا مثلا après le recours est-ce qu'il faut mettre ses mains sur la poitrine ou il faut les laisser le long du corps العلماء اجتهدوا en se basant sur certains hadith بل ils se sont basés كثيرا sur les mêmes hadith فتي تخو un مجتهد من العلماء يقول الصواب c'est de mettre les mains sur la poitrine. Un autre yaqul, al-sawab, c'est de les laisser le long du corps. Fahada, c'est ghalabatu dhan. Wa illa yapan nas wadih. Falihada, al-khilaf fi hada, il est sa'ir. Falihada, la yunkar ala man khalaf fi hada. C'est pour ça que dans ces masa'il, al-khilaf il est sa'ir. Et tu trouves, al-imam Ahmad il a un avis, al-imam Malik il a un autre avis. Fahanta, tu choisis l'avis que pour toi c'est le haqq. Ou illa ton frère, il peut te contredire sur ce point et ça reste ton frère. Falihada qala Cheikh Ibn Uthaymeen kama fi kathir min masail al-fiqh. Beaucoup de masail fi al-fiqh, il y a un khilaf et kama qala huna anna c'est ala ghalabat al-dhan, c'est pas ala al-yaqin. Il a rajouté fi al-sharh rahimahullah qala wa lihada kanat masail al-ijtihad allati yakhtalifu fiha ahlu al-ilm. نعم غالبها ظني وليست يقينية ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها صحيح c'est pour ça qu'il y a beaucoup de مسائل c'est من باب الظن غلبة الظن وإلا ça serait اليقين et il y aura un nom صريح il n'y aurait pas de خلاف comme beaucoup de sujets ولله الحمد مثلا باب العقيدة c'est un باب qui est fondé sur un nom et على اليقين on n'a aucun doute dans les مسائل c'est pour ça que tu ne trouves pas de خلاف بين أهل العلم إلا dans certaines مسائل Et c'est pas mina ala ta'bir, c'est pas mina al-usul. Wa illa fa bab al-aqida wa illa al-hamd mujma' alayhi. Hada qawluhu kama fi kathir min masail al-fiqh. Et celui qui n'a pas tout saisi huna al-amr sahl, l'essentiel tu comprends huna anna qawluhu ma'rifa, il a cité ma'rifa, il a pas cité al-ilm pour une raison. Si tu l'as comprise, tayyib, si tu l'as pas comprise, fa al-amr sahl. Qala wa al-murad bi qawlina al-ahkam ash-shar'iyya al-ahkam الملتقى من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية أي المراد هنا بالفقه سد مسائل في الشرع أحكام شرعية أي الحلال والحرام est-ce que c'est une sunna de faire telle chose ما يتعلق بالصلاة بالصيام بالحج لماذا لأن يد أحكام غير شرعية فلهذا قال كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية Tu as des ahkam, c'est bil'aql. Les ahkam shar'iyyah sont fondés sur le shar', le Qur'an ou le sunnah. Pour dire que telle chose elle est obligatoire, tu es obligé d'avoir un nas. Un texte, une preuve. Pour dire que tel acte c'est recommandé dans notre din, tu es obligé d'avoir un dalil. Min al-Qur'an ou min al-sunnah ou ijma' ou. Hada labud. Tu as des masa'il, c'est par rapport au aql. Des ahkam, c'est par rapport au aql. Et c'est fondé sur la raison. قال كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. Ça c'est une معرفة عقلية. C'est pour ça qu'un kafir il connaît cette chose et un musulman il connaît cette chose. Celui qui a la raison il connaît cette chose. Et c'est pas ça qu'on étudiera nous. C'est pas ça qu'on étudie dans notre din. Nous on étudie des ahkam shar'iyya, imma fil aqida, imma fil fiqh, imma fil Qur'an. Amma Cheikh Ibn Uthaymeen هنا il cite هذا c'est مهم pour que tu comprennes le ta'rif. Le ta'rif il est précis. معرفة il a pas dit ilm on sait pourquoi الأحكام الشرعية on sait pourquoi il a dit شرعية لأن il y a des أحكام عقلية qu'il ne parle, on en parlera pas dans, ce, dans cette matière مثلا من الأحكام العقلية معرفة أن الكل أكبر من الجزء أي tu as une chose entière et tu as des parties de cette chose لا شك أن la chose entière elle est plus grande que la partie ça c'est معرفة عقل مثلا l'être humain il a des mains il a des pieds il a une tête فَلَا شَكَنَّ الْكُلْ Aïe, le corps entier, il est plus grand que son pied. Il est plus grand que sa main. هَذَا شَكَوِي لَنَّ الْكُلْ Aïe, une chose entière, elle est plus grande qu'une partie de cette chose. Celui qui a la raison, il comprend. بَلْ C'est tellement clair que le fait de le dire, Obama, ça peut rendre compliqué la chose. قَالَ وَالْأَحْكَامَ الْعَادِيَّ Troisième catégorie. مِنَ الْأَحْكَامَ الْعَادِيَّ Ça vient de l'ada, quelque chose d'habituel, quelque chose, une coutume. قال كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا نعم Ah, c'est Mimbab Al-Ada, tout le monde connaît ces choses. Et celui qui a vécu cette chose, il sait que c'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'un nas min al-Qur'an. قوله كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية أي le matin tu trouves مثلا l'herbe elle est mouillée certaines contrées à certains moments le matin tu trouves أنه il y a de la rosée de l'eau هذه هي المعرفة العادية مثلا les agriculteurs ceux qui vivent هناك ils savent هذا الأمر ربما celui qui n'a jamais vécu dans cet endroit il connaîtra pas cette chose فهذا هذا معروف بالتجارب التجارب avec l'expérience c'est معروف telle chose مثلا بعض الأطباء ils ont du علم أن telle chose c'est utile pour telle chose tu n'as pas de nos من القرآن ومن السنة tu n'as pas de preuve أن ce médicament il est utile pour cette maladie لكن avec l'expérience avec l'habitude avec les tests ils ont su que telle chose c'était bien pour telle chose donc tu as trois tu as l'ahkam الشرعية tout ce qu'il y a à notre dîn C'est obligatoire, c'est une sunna, c'est halal, c'est haram, c'est fondé sur les textes, le Coran ou le sunna. Tu as l'ahkam al-aqliya, c'est fondé sur la raison. Tous ceux qui ont la raison, ils comprennent. Le tout, c'est plus grand qu'une partie. Et tu as l'ahkam al-adiya, c'est fondé sur l'expérience. On répète. Qawluhu ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya. Donc al-fiqh, c'est pour étudier al-ahkam al-shar'iyya. Tu ne vas pas étudier l'ahkam al-aqliya, ce qui est lié à la raison, et tu ne vas pas étudier l'ahkam al-adiya. Qala, rahimahullah, wal murad bi qawlina al-amaliya ma la yata'alak bil i'tiqad, ka salati wa zakat, wa kharaja bihi ma yata'alak bil i'tiqad, ka tawhidillah, wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, fa la yusamma thalika fiqhan fil istilah. Awalan, hadhi taqsimat amaliya, ilmiya, أو أصولية فرعية وبعض المحققين انتقدوها لكن c'est pas le moment de détailler هذا ça viendra dans d'autres livres أي le fait de diviser ou de citer comme catégorie الأصول les fondements ou الفروع les branches ou الأحكام العملية tout ce qui est lié au عمل et الأحكام العلمية tout ça بعض العلماء انتقدوها لكن c'est pas le moment pour le citer. Ce qui nous intéresse هنا, c'est قوله العملية, ça fait sortir ما يتعلق بالعقيدة. أي dans le fiqh, tu étudieras pas ما يتعلق بالعقيدة. Alors que la شك العقيدة, ça fait partie de l'ahkam الشرعية. Ça fait partie de notre dîn. لكن الفiqh, c'est spécifique à la connaissance de l'ahkam الشرعية العملية. Tout ce qui est lié à la purification, الصلاه, الصيام, الحج, الجهاد النكاح للمعاملات etc. أما ما يتعلق بالقلب أي معرفة الله سبحانه وتعالى الإيمان به عز وجل وبرسله وبكتبه etc. ce qu'on étudie ensemble لله الحمد dans nos dorus du mardi, jeudi et dimanche هذا ça rentre pas dans ce tarif قال كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح هذا c'est مهم أي في الاصطلاح quand on parle de fiqh L'istilah al-fuqaha, il apprendra à faire l'odo, les ablutions, apprendra à faire salat, il a akhiré. Ça, c'est l'istilah. Ou illa fal-aqida, la chaque, c'est al-fiqh ou l'akbar, comme a dit l'un des ahli al-ilm. Ça fait partie du fiqh, lakin fil istilah, ça ne rentre pas dans le fiqh. Et pour simplifier, tu as ilm al-tawhid ou l'aqida, tu vas apprendre. الإيمان بالله les noms d'Allah les صفات tout ce qui est lié au jour du jugement les anges les prophètes les livres إلى آخره tu as علم الفقه pourtant la شك التوحيد والعقيدة c'est من الفقه c'est من أعظم بل c'est le fiqh le plus important لكن العلماء pour simplifier ils ont dit le fiqh أي في الاصطلاح الفقه c'est apprendre à faire les ablutions الصلاة etc قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية هنا c'est important فركزوا لأن هذا القيد ست بخيسيزيون on répète le تعريف معرفة الأحكام الشرعية العملية هذا c'est ça le fiqh tu dois ou c'est la connaissance des أحكام شرعية العملية tout ce qui est lié aux أعمال comme la الصلاة إلى آخر الصيام والزكاة قوله رحمه الله بأدلتها التفصيلية ça fait sortir أصول الفقه et c'est ça la différence قال رحمه الله أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الفقه on peut citer un livre مثلا الدرر البهية للإمام الشوكاني c'est un livre de débutants c'est une أحسن الرسائل المختصرة dans le fiqh رحمة الله عليه أي الإمام الشوكاني في هذه الرسالة et dans tous les autres livres de fiqh le sheikh qui a écrit ce livre Al-Imam il a cité أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقهية التفصيلية بالتفصيل. Il va commencer par Bab al-Tahara. Tous les livres de fiqh commencent par Bab al-Tahara. ثم Bab al-Salah. ثم الزكاة. ثم الصيام. ثم الحج. ثم النكاح. ثم الجهاد. إلى آخره jusqu'à la fin. بالتفصيل. مثلا الصلاة ça sera précisé. Tu dois commencer أولا par al-Tahara. C'est pour ça que le premier Bab c'est al-Tahara. Al-Tahara elle est détaillée. Tu dois faire l'eau d'eau de telle façon. Tu dois laver tes mains de telle façon. Il y a une façon pour faire al-wudu. Thumma ma yata'alaq bil hayd, c'est détaillé. La femme qui est touchée par ses règles, si elle a tel sens, c'est qu'elle est, elle peut pas faire salat. Si elle a tel signe, c'est qu'elle peut faire salat. Hakada, c'est détaillé tous les apôtres. As-siyam, c'est détaillé. Quand est-ce qu'il commence le mois de Ramadan? Qu'est-ce qui t'est autorisé? Qu'est-ce qui n'était pas autorisé? Qu'est-ce qui annule le siyam? Il est akhri. C'est ça le fiqh. هذا قوله بأدلتها التفصيلية. Et tout ça c'est fondé sur des preuves. Tout ça c'est fondé sur des preuves. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. C'est une preuve. تستفيد من هذا dans le fiqh أن parmi les conditions de la salat الطهارة. La purification. Ça c'est le fiqh. قال أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. Si tu as compris هذا c'est quoi le fiqh? Tu vas apprendre le fiqh, comment faire salat, comment faire siyam, etc. Kharaja bihi usul al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est pas ça. Ça sera bi adillatiha al-ijmaliya. Ça sera le contraire. Ça sera pas en détail, ça sera bil-ijmal. Falihada qal li anna al-bahth fi innama yakun fi adillati al-fiqh al-ijmaliya. Wa hada insha'Allah. Oh, on peut citer l'an al-farq. Aoula, on continue, il va citer, on a des choses. Thomas, à la fin, on citera la différence. Après avoir défini c'est quoi le fiqh, on répète le ta'rif. Ma'rifatul ahkam, connaître les ahkam. Al-shar'iyya, ça fait sortir tout ce qui fait pas partie de notre din. Donc c'est lié au din. Al-amaliyya, ça fait sortir autre que le fiqh qu'on connaît. La salat, le siyam, etc. Ça fait sortir l'aqida ou le tawhid. Bi adillati at-tafsiliya en détail, ça fait sortir usul al-fiqh. Donc, al-fiqh, ça sera une étude des ibadat, autre que les adorations du cœur, ça fait sortir l'aqida en détail. C'est-à-dire comment faire salat, le siyam, le hajj, etc. Si tu as compris هذا, al-an, il va arrof c'est quoi usul al-fiqh. Vous vous rappelez, awalan, il a défini c'est quoi al-usul. Thomas, il a défini c'est quoi le fiqh. Al-An, il va définir c'est quoi usul al-fiqh et al-haqiqa. Tu pourras distinguer entre usul al-fiqh, les fondements du fiqh et le fiqh. Qala rahimahullah, al-thani bi'i'tibar kounihi laqaban li hadha al-fan al-mu'ayyan. Aïe, l'ulama, ils ont donné un nom à cette matière. Au fondement du fiqh, ils l'ont appelé usul al-fiqh. Qala fayu'raf bi'annahu, ou fayu'arraf bi'annahu. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. سيسا أصول الفقه. قوله فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفود. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. Et c'est ça la différence avec le fiqh. Al-ijmaliya, quelque chose de mujmal, c'est quelque chose qui n'est pas détaillé. Contrairement à quelque chose de mufassal. Al-tafsiliya, c'est quelque chose de détaillé. Qala mitla qawlihim al-amr lil wujub. On verra, hada insha'Allah, dans notre dars de la semaine prochaine. Al-amr lil wujub. Ça, c'est un asl fil fiqh, c'est un fondement. Fi usul al-fiqh, tu vas apprendre an al-amr c'est lil wujub. Ça veut dire quoi, hada? Ça veut dire que quand tu as un ordre, fil Qur'an, ou fil Sunnah, bah, la base, c'est que c'est pour une obligation. Wa aqimu salat, c'est un ordre. Aqimu, c'est un ordre. Fil amr. Hada l'amr, c'est pour montrer une obligation. La salat, elle est obligatoire. Fi usul al-fiqh, tu vas étudier le fondement. Faqat. C'est quoi le fondement? Le fondement, c'est que quand tu as un ordre, c'est que c'est pour une obligation. Que ce soit as-salat, as-siyam, as-zakat, al-hajj, fi usul al-fiqh, c'est pas important. Fi usul al-fiqh, ce qui est important, c'est que tu retiennes ce asl qui va t'être utile pour le fiqh. Amma fi al-fiqh, là, tu vas étudier en détail. La salat, elle est obligatoire avec des adillah, les savants qui ont dit que ça faisait sortir de l'islam, les savants qui ont dit que ça faisait pas sortir de l'islam, et beaucoup de choses. Amma fi usul al-fiqh, là, ce qui t'intéresse, c'est de savoir qu'un délit, que ce soit dans le salat, dans le siyam, dans le hajj, dans n'importe quel domaine dans le fiqh, si c'est un ordre, c'est que c'est obligatoire. Mais là, tu comprends, anna usul al-fiqh, c'est un outil pour comprendre le fiqh. قال رحمه الله والنهي للتحريم هذا c'est la même chose on verra anna quand tu as un nahi et ne fais pas telle chose la base c'est que c'est une interdiction قال والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر أو فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة c'est pour ça que notre exemple مثلا on répète الأمر للوجوب c'est un أصل dans le fiqh chaque ordre que tu as dans le Coran et dans le Sunnah ça montre une obligation sauf s'il y a une preuve qui montre l'inverse comme on verra inshallah. C'est un exemple. Est-ce que dans usul al-fiqh tu vas étudier as-salat? Là. Lakin les ulama ils vont te citer un exemple de salat pour appliquer la règle. Chaque ordre c'est une obligation. On aurait pu citer wa atuz zakat à la place. C'est un ordre. Allez, donnez, sortez la zakat. Enfin, vous avez compris la différence. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها قال معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. هذه الأصول. الأصول هي دراسة الألفاظ. C'est pour ça que usul al-fiqh il est fondé sur deux choses. Al-adilla al-shar'iyya et al-lughat al-arabiyya. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'étudier ce livre après notre étude de la langue arabe, khassatan an-nahw. Fa usul al-fiqh qala ma'rifatu kayf tastafid al-ahkam min adillatiha bi dirasati ahkam al-alfaz. Tu vas pas étudier le dalil pour retirer des points fi al-ilm comment faire la salat. Mathalan qawluhu wa aqimus salat. Fil fiqh tu vas apprendre que c'est obligatoire, tout tu vas étudier c'est quoi la salat. As-salat c'est une ibada qui commence par le takbir qui finit par le taslim. Thumma tu vas apprendre comment faire la salat, comment faire le takbir, est-ce que tu dois lever les mains, c'est ça le fiqh. Al-usul tu vas pas apprendre hada. Al-usul tu vas apprendre an de ce dalil. Ce lafd, un lafd, c'est quoi? C'est la formulation. Allah Azza wa Jal قال wa aqimu salat. Il n'a pas choisi un autre fi'l, Azza wa Jal. Il a choisi fi'l al-amr, un ordre. Au sol al-fiqh, tu vas étudier ce lafd. Et tu vas tirer une règle importante à chaque ordre. Fal-haqiqa, c'est pour une obligation. Et tu verras que dans certains cas, c'est pour une recommandation, pour quelque chose de recommandé. Et tu verras pourquoi. C'est ça l'usul. قال رحمه الله. ثم il a cité ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاع. On a cité نحن un exemple في الأمر لأنه il est simple. وإلا فتu verras مثلا الناسخ والمنسوخ. Tu verras ce chapitre dans l'usul. Tu vas pas étudier la ibada qui est mansoukha en détail. Là, tu vas étudier que certaines adorations elles ont été abrogées par d'autres. Et tu vas apprendre les conditions de nasr. مثلا parmi les conditions dans chaque adoration qui a été abrogée, la condition principale c'est ma'rifatu at-tarikh. Lianna si elle a été abrogée, c'est qu'elle a été abrogée par une adoration qui est venue après. Ou une chose qui est venue après. Si tu ne connais pas at-tarikh, la date, tu ne peux pas parler de nasikh wa mansukh. C'est ça l'usul. Amma les détails, مثلا في باب الجهاد, nasikh wa mansukh. Au départ, ils devaient combattre tant de mouchriquins et après Allah khaffafa anhum. Il leur a allégé et combattait beaucoup moins. On ne va pas étudier les règles du combat ou le jihad. Tu vas étudier faqat cette règle. Abroger, abroger. Wa hakada al-aam wa al-khas. Tu as des adilas aam globales qui englobent beaucoup de choses. Tu as des adilas khas, tu verras que al-khas, ça passe avant l'aam. Et ça spécifie le général. Et al-khas, c'est quelque chose de précis. Et l'âme, c'est le général. Ah, là, c'est ça l'usul. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الجهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Troisième point que tu vas étudier في الأصول, c'est حال المستفيد. Aïe al-mujtahid, celui qui va donner l'ahkam, al-mufti. Ça nous montre que ce n'est pas tout le monde qui parle vers le fiqh et vers l'ilm. Fahada al-mustafid, limada sumia mustafid, qal shaykh al-Uthaymeen, sumia mustafida, li'annahu yastafid bi nafsi. Li'annahu al-mujtahid, celui qui atteint un certain niveau fil ilm, qu'al a'imma ou al-ulama, ils peuvent profiter des textes seuls. Limada li'annahu, ils ont atteint un certain niveau. Amma nahnu, voilà. Pour profiter des textes correctement, on est obligé de revenir à Ahlul Ilm. هذا المستفيد قال الشيخ ابن عثيمين لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. Tu vas étudier c'est quoi l'ijtihad. قال فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Tu vas étudier c'est quand qu'une personne elle devient mujtahida. C'est quand un imam il atteint le niveau, ou un homme plutôt, il atteint le niveau de l'imam de l'ijtihad et il pourra donner son avis sur le fiqh. C'est ça, l'usul. Amma, on répète, comment faire la salat, comment sortir la zakat, comment faire le hajj, t'en parleras jamais vu l'usul, illa avec des exemples. Avec des exemples pour que tu comprennes la règle que tu as apprise. Wa illa va ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-tafsiliyya. Ça, c'est les livres de fiqh. Fa'amdat al-ahkam, al-durar al-bahiyya, minhaj al-salikin, al-mulakhas al-fiqhi de Cheikh al-Fawzan, et kutub al-a'imma qabla dhalik, al-mughni de Ibn Qudama, al-majmou' de l'imam Nawawi, tous les livres de fiqh. Walillahi alhamd. Qa'al fa'ida, usul al-fiqh, ou fa'idat usul al-fiqh, c'est quoi l'un, tu as compris c'est quoi l'usul? Usul al-fiqh. C'est quoi la fa'ida? Pourquoi les ulama donnent tant d'importance à هذا العلم? قال الشيخ العثيمين رحمه الله إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية عزيز الفائدة. لماذا؟ لأن العلماء ils ont donné de l'importance. Et لماذا؟ لأنه c'est un outil عظيم pour comprendre ton din, pour comprendre le Coran ou le Sunna, pour comprendre le fiqh, pour comprendre comment faire salat. Comment donner zakat, comment faire le hajj, tu as besoin de هذا العلم العظيم. Celui qui ne connaît pas ce ilm, فَلَا يَجُوز أَنَّهُ يَتَكَلَّمْ فِي الْفِقْ, alors qu'il ne revient pas aux gens de science. Celui qui ne connaît pas هذا العلم, il demande à أهلُ العلم. Amma celui qui connaît هذا العلم, il va avoir des فوائد عظيمة. قَالَ مِنْهَا فَإِدَتُهُ التَّمَكُّنْ مِنْ حُصُول قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا إِسْتِخْرَاجَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَ. Ça c'est une faïda azima. Annahu, il pourra savoir pourquoi telle chose elle est obligatoire ou telle chose elle est interdite. Et avec ad-dalil, par rapport au lof, par rapport à la langue arabe, par rapport à la formulation du dalil et la agri, il pourra savoir al-hukm. قال رحمة الله عليه من أدلتها على أسس سليمة sans contredire la voix des savants. Il ne sortira pas du khilaf. Si les savants ils ont deux qawls, il restera dans ces deux qawls. Et il aura, Inch'Allah ta'ala, s'il a atteint un bon niveau, il aura la qudra de savoir quel shaykh a raison. Et il n'est pas infaillible, il pourra se tromper de temps en temps. Lekin, s'il choisit un qawl, il saura pourquoi. مثلا شيخ الألباني رحمه الله خالف شيخ ابن باز dans une مسألة. Il prendra le coup de شيخ الألباني على أسس سليمة. Pas بالتقليد. Pas à cause des passions. Pas parce que ça l'arrange. Pas parce qu'il vit dans une ville où tout le monde a pris ce قول. Non. Pas parce qu'il pense que celui qui a plus de savants, il a forcément raison. Ou celui qui est plus vieux, il a forcément raison. Ou ceux qui sont plus nombreux, ils ont forcément raison. Vous ne trouverez jamais ça dans Usul al-Fiqh. Ça, c'est Usul Ahl al-Ahwa. Ça, c'est les gens des passions qui ont ces fondements. Amma Usul Ahl al-Ilm, si c'est dans une mas'ala fiqhiyya, fa c'est hadhi al-Usul. Il regarde le délil. Pourquoi un tel il a dit obligatoire, un tel il a dit c'est pas obligatoire. Il regarde le délil. Si c'est un amr, c'est un ordre. Et il n'y a aucun délil qui vient montrer que c'est pas obligatoire, on reste sur la base. C'est un ordre, c'est obligatoire. C'est ça l'ilm. Même si Cheikh un tel il a akhri, il dit autre, alhamdulillah tu as un délil et tu as des savants. Fa hadha c'est muhim. Qala rahimahullah. On peut rajouter كذلك anna. On vient de le citer, laquelle on le répète. Al-fawda, al-an. Al-hasila fi s-saha. Al-haqiqa, c'est à cause de l'ignorance. Si on prend Bab al-fiqh, dans certains endroits, wallahi, ba'duhum hajr, wa sib, wa shatm, à cause de certaines masa'il fiqhiyya, yassour via l'ijtihad. Les madali, ils ne connaissent pas hadha l'ilm. Ils connaîtraient hadha l'ilm, ils auraient de la rahma, de la miséricorde et de la douceur envers les autres. Il y en a des masa'il à immakhtalabu. Ça ne veut pas dire qu'on suit nos passions, là. Ça veut dire qu'on fait des efforts pour trouver le haqq. Et si on a étudié ces fondements, ça va nous aider. Enfin, on prend qawl al-haqq. Et si notre frère, il n'est pas d'accord avec nous, et il est à l'ilm, et il a des fondements kadhalik, et il a choisi un autre qawl, falhamdulillah. Si on arrive à se convaincre, si on n'arrive pas, falhamdulillah. On n'est pas les premiers à diverger. Hadi, c'est une fa'ida azima. Amma l'an, une mas'ala fiqhiyya, elle peut diviser une umma, minan nas. Un nombre important de frères et de sœurs. Les madhas, les anataqlid, ils pensent que si Cheikh Antal il a dit ça, tu ne peux pas le contredire. Alors que c'est une mas'ala fil fiqh. Haqiqa, si tu viens étudier, tu vas trouver anna al-imam Ahmed il a un qawl. Al-imam Malik il a un qawl. Al-imam Shafi'i il a un qawl. Al-imam Abu Hanifa il a un qawl. Ahiyanan, tu trouves une mas'ala. Al-a'im al-arba'a, chacun ils ont un qawl. Avant eux, kadalik, Abu Bakr il a un qawl. Abdullah ibn Abbas il a un autre qawl. Après eux, كذلك, Cheikh l'Islam, il a un qawl. Al-Hafid ibn Rajab, il a un autre qawl. À notre époque, Cheikh ibn Baz, il a choisi un avis, Cheikh l'Albani, il a choisi un autre. Fafi hadha al-hal, tu reviens au délit, tu étudies leurs preuves, et tu as un outil azim pour te permettre de savoir quel avis tu dois prendre. Et dans ce cas, vu que c'est un khilaf ou un si'a, tu respectes l'autre avis. Tu respectes ceux qui ont choisi l'autre avis. Et alhamdulillah, on ferme les portes à beaucoup de fitan. On parle de al-masa'il al-khilafiyya allati yasur fiha al-ijtihad. Amma al-masa'il al-i'tiqadiyya ou al-manhajiyya ou qu'il n'y a pas de khilaf, fa la yajuz al-khilaf. Et tu ne trouveras pas de khilaf bayna ahl al-ilm fi hadha. Et ce qui khalaf fi hadha, c'est ahl al-ahwa. Lakin on parle de ces masa'il. Kadhalik min fawa'id hadha al-ilm, anna dirasatahu fiha ajrun azim. Ya ajr azim. Limadha? Lianna al-usul, usul al-fiqh, ça fait partie du ilm. Wa talabul ilm, il y a une récompense énorme. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Hakadha qala an-nabi alayhi salatu wasalam. C'est tariq al-jannah. Lianna tu apprends hadha al-ilm. La haqiqa, c'est un outil. C'est un outil, lakin cet outil, c'est pour t'aider à comprendre le Coran ou le Sunna, il y a une récompense énorme. C'est comme la langue arabe. C'est comme usul al-hadith, ilm al-mustalah. C'est comme as-sarf. Celui qui a une bonne niya, bien sûr, cette condition, incha'Allah ta'ala, ses durous, il est récompensé. C'est une faïda azima. Kadhalik, ma'rifatu ahkam al-nawazil, al-jadid. Tu as des choses qui sont apparues à notre époque. Tu n'as pas de dalil, c'est des choses nouvelles. Ces choses, elles n'existaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam. Tu ne trouveras pas un texte clair. Lakin, si tu étudies les fatawas de Ahlul Ilm, elles sont fondées sur hadhihi al-usul. Il y en a l'échec que cette chose, elle aura un fondement. Maintenant, ça peut être une chose nouvelle, mais cette chose nouvelle, elle fait du mal à la raison. Tu trouveras des usul, un rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce qui fait mal à l'être humain, que ce soit sa raison ou son corps. Tu verras, les ulama, ils auront des fatawas. Tu trouves des nouveaux appareils, un. C'est mashrou', ou plutôt c'est moubah, c'est autorisé. Limadha li'anna, tu ne trouveras pas un asl qui interdit cette chose. Fa l'ulama, ils disent que c'est permis. Tant que ça ne fait pas de mal, il a akhir. Comment connaître هذه الأحكام avec هذا العلم العظيم et كذلك avec علم القواعد. Inch'Allah, on va essayer de, avant de conclure, de récapituler la différence. قال رحمه الله وأول من جمعه كفن المستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. نعم يذكرون أن أول من جمعه, le premier qui a rassemblé هذه الأصول dans un livre à part, et c'est devenu une matière par la suite, les fondements du fiqh, أصول الفiqh, يقولون أنه c'est l'imam الشافعي رحمه الله. إمام كبير من أئمة السنة رحمة الله عليه. Et son livre s'appelle الرسالة. Et c'est une référence في هذا الباب. Et celui qui a étudié الأصول من علم الأصول et qui l'a compris, et inshallah يقرأ, même s'il y a un autre livre avant الرسالة, ثم يقرأ الرسالة avec تعليقات un savant, فالحمد لله سيستفيد. قال ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كنايه ومميزاته. نعم حتى سيدوبني علم أبارانتير avec des كتب كذلك وبعضهم صنفوا في أصول الفقه في مذهب الإمام مالك في مذهب الإمام أبي حنيفة في مذهب الإمام الشافعي في مذهب الإمام أحمد وهكذا سيدوبني علم avec beaucoup de كتب. Et تقدم معنا أن هذا العلم سمن علوم الآلة فبين إفراط وبين تفريط يكون الطالب ni il exagère ni il le laisse complètement là. Et on avait cité dans le premier dors والله الحمد un programme simple الأصول من علم الأصول ثم شرح نظم البراقات de Cheikh Al-Uthaymeen celui qui veut réviser et المذكرة de الإمام الشنقيطي رحمه الله. هذه الكتب ففيها كفاية. Tu n'as pas besoin d'étudier tous les livres. لماذا؟ لأن en tant que طالب علم tu dois étudier la chose la plus importante, c'est l'aqid. Tu dois étudier la chose la plus importante, c'est التوحيد. Tu dois étudier ce que tu as besoin tous les jours, الفقه. Comment faire l'وضوء, ما يتعلق بالطهارة, pour les femmes, ما يتعلق بالحيض والنفاس. Comment faire الصلاة, celui qui va aller au حج, comment il doit faire. كذلك, tu dois étudier des autres outils. Et ça te prendra du temps, la langue arabe, avec le nahou, avec le sarf, etc. Tu dois apprendre, si tu es un talib ilm, un minimum fi ilm al-mustalah, comment reconnaître un hadith sahih, d'un hadith qui n'est pas sahih, qui n'est pas authentique. Ala kulli hal, al-insan, il perd pas son temps. Khassatan, celui qui n'est pas un talib ilm du matin au soir. Et tout son temps, il n'est pas que pour talib ilm, là. Peut-être qu'il a un travail, peut-être qu'il a d'autres occupations. فهذا, le temps qu'il va donner au ilm, et on le conseille de donner le plus de temps possible, c'est le plus important. لكن مثلا, s'il travaille, et le travail c'est une ibadah azima, si c'est fait le halal, فهذا, il lui restera un temps, فلا تضيعه. لا تضيعه, مثلا, سنين في الأصول, des années dans l'أصول. Là, l'أصول c'est un outil. Celui qui a compris l'أصول, من علم الأصول, الشيخ ابن عثيمين, rahmatullah alayhi, fil haqiqa, ça lui suffira dans la plupart des masaïls de fiqh. Et celui qui veut rajouter al-mudhakira de l'imam Shanqiti, ou l'Luma' de l'imam Shirazi, le Tayyib, ou al-Rawdah, Rawdat al-Nadir de l'imam Nukudama, et des livres min a'imat sunnah, fa la base. Lakin, awulan, étudie cette base. Donc, apprends ton din, al-tawhid, ou al-aqida, ou al-fiqh, ila akhira. Et avec le temps, si tu atteins un certain niveau et tu trouves encore de la force, alhamdulillah, tu étudies l'ilm jusqu'à que tu meurs. Tamur ala risala de l'imam Shafi'i et tous les livres qu'on a cités, alhamdulillah. Hadil muqaddima lina fi'a pour comprendre c'est quoi hada l'ilm. Al-imam al-Qirafi rahmatullah alayhi, il a un livre al-Furuq, c'est un livre tayyib. Al-Furuq, c'est un livre qui cite les différences entre telle chose et telle chose. Ils l'ont imprimé en 4 volumes. Il a cité la différence entre Al-Usul, Usul al-Fiqh ou Al-Qawa'id. Usul al-Fiqh ou Al-Qawa'id al-Fiqh. Fanaqra kalamahu, il est mufid. Qala rahimahullah. Kama fi al-Furuq. Fa inna al-Shari'ata al-Muhammadiyya zada Allahu ta'ala manaraha sharafan wa uluwa. اشتملت على أصول وفروع. هذا التقسيم في الحقيقة لمنتقد. le fait de diviser le dîn en fondements et en branches. Cheikh al-Islam intaqada. Limada. Haqiqa hada, vous le verrez dans d'autres livres, lakin je vous donne un aperçu pour comprendre. عندهم الأصول العقيدة والتوحيد etc. الفروع الصلاة والحج والصيام إلى آخره. بعضهم ils ont dit المسائل العلمية والعملية. حتى هذا c'est منتقد. لكن si on parle d'أصول الفروع مثلا, ils ont mis الصلاة في الفروع. الصلاة من الفروع. Et هذا c'est منتقد لأن الصلاة c'est من أركان الإسلام. C'est un fondement de l'islam, la salat. Celui qui ne la fait pas, alors sahih, c'est plein musulman. Celui qui la délaisse complètement. Les ulama qalu usul wa furu', c'est muntaqad. Lakin, mitla al-Qirafi, ou Cheikh al-Uthaymeen dans certains livres, ou d'autres, quand ils disent usul wa furu', c'est faqat pour te différencier telle chose et telle chose. Wa illa, si tu viens à chercher, tu verras que ce taqsim fihi ma fihi. Et tu trouveras forcément une erreur. Hakada al-amaliya wal-ilmiya. مثلا العملية يزوم الصلاة لا شك أن الصلاة فلابد فيها من التوحيد من إخلاص إلى آخره حتى تصح فلهذا بعض العلماء يزوم فيها حتى هذا سمنتقد على كل حال قال رحمه الله وأصولها قسمان أما هنا سن تقسم أصول وفروع الأصول سي القواعد والأصول الفروع سي الفقه هذا قوله أصول وفروع قال وأصولها قسمان Ah, les usul du fiqh, il y en a deux. Usul al-fiqh qu'on vient d'étudier ensemble le ta'rif et al-qawa'id al-fiqhiyya. Qala ahaduha al-musamma bi usul al-fiqh wa huwa fi ghalib amrihi laysa fihi la qawa'id al-ahkam an-nashi'a 'an al-alfaz al-arabiyya khassa. Amma hadha, ça ressemble au ta'rif de Cheikh Ibn Uthaymeen. Al-usul qala fi al-ghalib ليس فيها إلا قواعد الأحكام النشاء عن الألفاظ العربية. Ça sera lié à la formulation du dalil qui est en arabe. مثلا, ce dalil il est global. Ce dalil il est khas, il est spécifique. Ce dalil, ça montre un ordre. Ce dalil, ça montre une interdiction ou ne pas faire telle chose. Il a akhri, c'est ça l'usul. ثم, il tire des ahkam. مثلا, l'ordre, ça montre l'obligation. Un dalil qui est global, général, et un autre dalil qui est spécifique, le spécifique, il va spécifier la généralité. C'est ça l'usul. قال رحمه الله وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح إلى آخره. قال وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس إلى آخره. Donc, l'usul, on a bien compris avec le ta'rif du Cheikh Ibn Uthaymeen et cette précision ou cet ajout de l'imam al-Qirafi, رحمه الله. القسم الثاني يتأمله هنا pour bien faire la différence avec القواعد الفقهية قال قواعد كلية فقهية سانوت علم العلماء يلابل القواعد الفقهية et tu as plusieurs livres parmi les livres des débutants qu'on essaiera d'étudier inshallah après cette رسالة القواعد الفقهية de Cheikh السعدي رحمه الله une poésie très courte quelques vers qu'il a expliqué lui-même avec un calme simple c'est une base في القواعد الفقهية c'est quoi ce علم قال قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد donc c'est des règles dans le fiqh il y en a beaucoup et قال مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه القاعدة الفقهية c'est quoi القاعدة الفقهية ça n'a rien à voir avec l'أصول Dans ce qu'on a vu, nous, bien sûr, c'est lié par rapport au fiqh. Lakin al-qa'id al-fiqhiyya, tu vas vraiment étudier le fiqh. Lakin, al-ulama, c'est une règle. Mathalan, al-niyya, l'intention, c'est une règle. Innama al-a'malu bin-niyyat, c'est la première règle en général que tu étudieras fil qawa'id. Cette règle, fil haqiqa, elle vient d'où ? Al-ulama, ils ont vu que pour salat, tu as besoin de niyya, pour zakat, tu as besoin de niyya, pour le hajj, tu as besoin de niyya, même l'ibada, tu as besoin de niyya, ils ont cité une règle, al-qawa'id, c'est une qa'ida fil fiqh, al-a'malu bin niyyat. Hada. Falihada, qala rahimahullah, on répète, lakin, ou li kulli qa'ida min al-furu' fi shari'a, ma la yuqsa. Al-qa'ida al-fiqhiyya, en fait, c'est plein de masa'il de fiqh, plein de masa'il qui se ressemblent, Le savant, il te rassemble toutes, si on peut dire, branches, ou tous ces points sous une règle. Ça va te faciliter le fiqh. Vous avez vu la différence avec l'usul? L'usul, tu ne vas pas parler de la ibada elle-même. Là, l'usul, tu vas parler du dalil. Tu vas parler de la ibada. Lakin, une règle qui va regrouper beaucoup de points. Au lieu de matalan, si tu viens à l'étudier sans règle, c'est très très dur. Si tu veux savoir telle mas'ala, ça va être dur. Il y a des milliers, des millions de mas'ala. Al-ulama étant facilité, il y a des règles très simples qui englobent beaucoup. Si tu connais la règle, tu connaîtras tous les points qui sont sous cette règle. C'est ça le qawa'id. Qala rahimahullah, وإن اتفقت الإشارة إليه هناك غير على سبيل الإجمال فيبقى تفصيله لم يتحصل وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع. Elles sont très très importantes ces قواعد. Vous verrez maintenant une قاعدة أن المصالح elle passe avant المفاسد. المصالح elle passe avant المفاسد. أو vous verrez plutôt أن اليقين لا يزول بالشك. Vous verrez plusieurs points sous cette qaïda. Et quand tu es sûr d'une chose, on parle dans le fiqh, enfin, le doute, il ne peut pas remplacer la certitude. La certitude, elle passe avant. Madalan, on va donner deux exemples pour vous montrer que ça englobe beaucoup de masaïl. C'est pour ça que c'est devenu une règle. Madalan, fais salah, si tu as un doute, est-ce que tu as fait 3 ou 4 rak'ah, tu as une règle. Al-yaqin la yazulu bishak. Est-ce que tu vas te baser sur la certitude ou sur le doute? Tu vas te baser sur la certitude. Tu sais plus, 3 ou 4, fais comme si tu avais fait que 3. Léana, on est tous d'accord que tu as fait 3. Le doute, il est sur la quatrième. Efface-la, comme si tu ne l'avais pas fait. Et après la troisième, tu te relèves, tu finis la quatrième. Cette qaïda, elle va être utile dans l'odo. Tu ne sais pas, est-ce que tu as fait l'odo, amla. Tu as un doute. T'es sûr que tu as été au WC, que tu n'avais plus l'odo. Donc la certitude, c'est que tu n'as pas l'odo. Tu as un doute, est-ce que tu as fait l'odo, amla. Tu te bases sur la certitude, tu n'as pas l'odo. Tu refais. Le même cas, lakin en inverse, tu es sûr d'avoir fait l'odo. Tu te rappelles, tu es sorti de la salle de bain, tu te rappelles quand tu t'es séché, donc tu as fait l'odo. Tu as un doute, est-ce que après tu es parti aux toilettes, amla. Tu as l'odo. Et madalena liyakin la yazul bishak. C'est une règle. Fil hajj. Tu fais tawaf, tu ne sais plus, est-ce que tu as fait 4 ou 5? Tu as un doute. Al-yaqin la yazulu bishak. Al-yaqin, la certitude, c'est le nombre le plus petit. 4 ou 5, tu as un doute entre 4 ou 5, l'achèque que tu as fait 4. Le doute, il est dans le cinquième tour. Tu te bases sur 4 et tu finis 3 tours pour finir les 7. C'est une qaïda dans le fiqh. Vous avez remarqué que tu vas étudier le fiqh, lakin sous forme de règle. Al-usul, tu étudies pas le fiqh, tu étudies les preuves du fiqh. Comment savoir c'est obligatoire, comment savoir c'est interdit, ce qui est général, ce qui est spécifique. Ça, c'est l'usul. Al-fiqh, tu as besoin des deux outils. Al-fiqh, c'est une étude du fiqh et des ibadat bit-tafsil. Tu apprendras de tahara jusqu'à ma yata'alaq bi al-buyu', le commerce et la akhirah. فهذا inshallah ta'ala, vous avez compris, on a essayé de simplifier au maximum, mais fait le haqiqa, celui qui n'a pas étudié l'usul, et celui qui n'a pas étudié un livre dans le qawaid al-fiqhiyya, et celui qui n'a pas étudié le fiqh, au départ, ça peut être encore ambigu, c'est pas clair toutes ces définitions, lakin, alhamdulillah, tu as le livre, tu as pris les notes que tu devais prendre, étudie l'usul, ne te précipite pas, étudie le qawaid, ne te précipite pas. Quand tu étudieras le fiqh, la différence entre ces trois matières, elle sera claire comme le soleil en plein jour. Hakadha al-ilm. Tu ne pourras pas tout comprendre au départ. Khassatan, vous avez remarqué que hadhihi al-ulum, c'est technique. C'est lié avec la langue arabe, c'est lié avec des choses subtiles que tu ne retrouveras pas dans ilm al-aqida ou ilm al-tawhid. C'est un ilm wallahi al-hamd très très simple. Et hatta hadha, c'est simple, lakin c'est un peu plus technique. Talib al-ilm yahtaj fi hadha al-hal an yusbir. Tu patientes et livre après livre, hatta tu comprendras, inshallah ta'ala. Ala kulli hal, le résumé de ce dars, anna usul al-fiqh, c'est un ilm jalil, azim, un neuf. On en a besoin pour comprendre le fiqh, c'est un outil essentiel. Et ce ilm, Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a défini bi qawli, ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha. Ça, c'est le tarif الفقه قال أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. C'est ça, أصول الفقه. Tu vas apprendre, tu vas étudier أدلة الفقه الإجمالية sans rentrer dans les détails. Ce qui est essentiel pour toi, c'est de comprendre que tu vas étudier comment reconnaître par rapport à un dalil que cette chose elle est obligatoire. La chose en elle-même, ce n'est pas grave, que ce soit salat, siyam, hajj, tu ne diras pas ça. Tu vas apprendre à savoir comment reconnaître que c'est obligatoire. Comment reconnaître que c'est abrogé. Comment reconnaître, et c'est un bab azim qu'on n'a pas cité, al-ta'arud bayna al-adilla. Ça, c'est parmi les points les plus importants fait l'usul. Tu as un dalil du Coran qui nous dit que c'est recommandé, tu as un autre dalil fi sunna qui nous dit que ce n'est pas recommandé. Comment faire ? Tu verras comment tajma' bayna al-adilla. Et c'est un ilm nafi' jiddan. Ou c'est un bab nafi' jiddan. C'est ça, al-usul. Et alhamdulillah, dans ce dars, on a fait la différence avec al-qawa'id. Nassallah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana. Naktafi bihad al-qadr. Et à partir de la semaine prochaine, on commence le premier bab al-ahkam. Hadha al-bab il est muhim. Pourquoi ? Léanna, tu vas apprendre al-ahkam. Pas on répète comment faire salat, comment. Là, tu vas apprendre al-ahkam min hayth al-ijma'. C'est quoi l'obligation ? C'est quoi l'interdiction ? C'est quoi le recommandé ? C'est quoi ce qui n'est pas recommandé ? Et c'est quoi qui est autorisé ? Tu as cinq. Et tu vas apprendre, alhamdulillah, avec des définitions très très simples. Et tu pourras, quand tu as un délil, tu pourras comprendre pourquoi le savant il dit c'est obligatoire. Mais c'est salat al-jama'a. Pourquoi des savants ils disent c'est obligatoire ? Pourquoi d'autres savants ils disent c'est pas obligatoire ? Tu verras que c'est par rapport à la compréhension du délil. Allah subhanahu wa ta'ala قال وركعوا مع الراكعين سا أمر. Prosternez-vous ou inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. وركعوا سا أمر من الله. بعض العلماء ils ont dit وركعوا سا un ordre. Enfin, pourquoi vous dites que c'est pas obligatoire ? C'est obligatoire la salat. Aïe, au masjid pour les hommes, en groupe. Bah, les ulama ils ont dit là, c'est pas obligatoire. Et ils ont des autres preuves. Wa sahih annahu c'est obligatoire, limada li anna al-nass. C'est un amr et bien sûr on a des autres adillah qui renforcent. Et vous avez remarqué que cet exemple de Tayyib on détaillera pas nahnu. Matalan salat al-jama'a on le prendra en exemple, on détaillera pas. C'est qui a raison ou c'est quoi le qawl as-sawab, est-ce que c'est wajib am la? Là nahnu on étudiera comment t'aider à comprendre le délil faqat. Et est-ce que c'est obligatoire par rapport à l'ordre? Amma la mas'ala elle-même t'étudiera hada dans le fiqh. Voilà, inshallah, vous avez compris. Et on passe à autre chose. Et inshallah, le prochain dars, samedi prochain. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.